Allahu Samad. Allah, il est As-Samad. As-Samad, personnellement, je préfère pas la traduire, mais vous donner le sens. Parce que Samad, c'est un nom d'Allah qui englobe, yani, ce nom d'Allah englobe énormément de sens, de perfection. As-Samad, notamment, il est le premier et le dernier à être imploré. As-Samad, le premier à être et le dernier à rester. As-Samad, celui qui se passe de toutes ses créatures et dont toutes les créatures ont besoin de lui. As-Samad qui se suffit à lui-même et dont toutes les créatures ont besoin de lui. As-Samad, celui qui a atteint le summum de la perfection dans tous les attributs, dans tous ses attributs, dans tous ses attributs. Yani, ce nom, c'est un nom qui englobe énormément de sens. Yani, si tu le traduis par un mot, forcément, ça va pas représenter et ça ne pourra jamais exprimer tous ces sens-là. Donc, Allah Samad. Regardez ce que Cheikh Saadi, il dit, rahimallah. Il dit, al-maqsoud fi jami' al-hawa'ij. Il est celui vers lequel on s'adresse dans toute chose, celui qui est imploré dans toute chose. Les gens du ciel, les gens de la terre, tous ont besoin de lui. Et tous sont dépendants de lui. Une dépendance absolue. Tu ne peux pas respirer sans Allah. Tu ne peux pas exister sans Allah. Tu ne peux pas manger sans Allah. Et la liste est longue. Donc, il implore, il est le premier et le dernier à être imploré, il l'implore dans toutes leurs affaires. Et il revient vers lui dans tout ce qui les importe, car il est le parfait dans tous ses attributs. Il est l'omniscient dont la science a englobé toute chose. Il est l'indulgent qui a atteint la perfection dans l'indulgence, il est le clément, le miséricordieux, dont la miséricorde a englobé toute chose. Et ça, c'est valable pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala,